Cet homme met trop de parfum. Je déteste les hommes qui mettent trop de parfum. Cet homme a des cravates trop voyantes. Je déteste les hommes qui ont des cravates trop voyantes. Cet homme fait trop de compliments. Je déteste les hommes qui font trop de compliments. Cet homme veut plaire à tout le monde. Je déteste les hommes qui veulent plaire à tout le monde. Cet homme ne sait pas écouter. Je déteste les hommes qui ne savent pas écouter.